The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Gas. L'essence. Gas station. La station service. To increase. Augmenter. Fill up. Le plein. Diesel. Le diesel. Madness. La folie. Barrel. Le baril. Oil. Le pétrole. OPEC. L'organisation des pays exportateurs de pétrole. Carpool. Le covoiturage. Means of transportation. Le moyen de transport. Now, a bit faster. Carpool. Le covoiturage. Gas. L'essence. Diesel. Le diesel. Fill up. Le plein. Gas station. La station service. Barrel. Le baril. Gas. L'essence. Carpool. Le covoiturage. Barrel. Le baril. Means of transportation. Le moyen de transport. To increase. Augmenter. Barrel. Le baril. OPEC. L'organisation des pays exportateurs de pétrole. Means of transportation. Le moyen de transport. Fill up. Le plein. Diesel. Le diesel. Gas station. La station service. Fill up. Le plein. Diesel. Le diesel. Fill up. Le plein. Gas station. La station service. Carpool. Le covoiturage. Barrel. Le baril. Now, use the words in context. Augmenter. Gas prices have gone up considerably. Le prix du pétrole a considérablement augmenté. La folie. It's crazy to buy such an expensive car. C'est de la folie d'acheter une voiture aussi chère. Le moyen de transport. The metro is a very practical mode of transportation. Le métro est un moyen de transport très pratique. La folie. It's crazy to buy such an expensive car. C'est de la folie d'acheter une voiture aussi chère.